سمعتم العنوان وفقني الله واياكم من فضيلة الشيخ محمد أني بعد حمد الله عز وجل وشكره الذي لا أحصي ثناء عليه، لا أشكر الإخوة الذين نظموا في هذا الوقت القصير هذا اللقاء في بيت من بيوت الله. أسأل الله تعالى أن ينطبق على أن يشملنا بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بما عنده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله. De ce cours concerne l'attachement au livre et à la sunna. Et il dit: nous remercions les personnes qui ont fait la cause de l'organisation de cet événement, même si ça a été fait dans un moment court. Et il espère et il implore Allah subhanahu wa ta'ala comment, dans la parole du prophète alayhi salatu wa salam, dans laquelle il dit alayhi salatu wa salam: il n'y a pas des gens qui se rassemblent, qui se réunissent dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se rappeler Allah et étudier sans que les anges ne descendent pas vers eux, les couvrent de la miséricorde, que la quiétude descend et qu'Allah subhanahu wa ta'ala se rappelle d'eux dans une assemblée meilleure. Les bien-aimés parmi les frères et les sœurs en avant. الاعتصام بحمد الله المتين وصراطه المستقيم هو طريق الأنبياء والمرسلين. L'attachement à la voie droite, au chemin droit, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie des prophètes d'Allah عليه الصلاة والسلام. وهو منهج الأنبياء والمرسلين. C'est la voie, le chemin des prophètes et des messagers عليه الصلاة والسلام. وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. C'est la voie entreprise par ceux qui cheminent vers ce qui est agréé par Allah سبحانه وتعالى. وطريق الناجين من عذاب الجحيم. C'est la voie entreprise par ceux qui sont sauvés et épargnés du feu de l'enfer. بل هو السبيل الوحيد لذلك. C'est même le seul chemin qui mène à cela. فالواجب علينا جميعا. Donc c'est un devoir pour nous tous. أن نبذل قصارى جهدنا في تحقيق هذا الأمر. نحن ألا وهو التمسك بكتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. Qui est l'attachement au livre d'Allah et à la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام, que ce soit dans le dogme, la parole et les actes. ومما يضعف ذلك أو يبطله. Et qui viendrait affaiblir cela ou même à l'annuler. ما ذكره أخي محمد من الشهوات والشبهات. Que notre frère Cheikh Mohamed Ramzan a cité comme tentation et ambiguïté. فقد تفسد الاعتصام بالكلية أو تنقصه. Cela peut même amener à annuler l'attachement ferme ou le plaisir. وقد أمرنا الله عز وجل بالاعتصام بكتابه المبين. يا الله تبارك وتعالى nous a ordonné, nous enjoint de s'attacher fermement à son livre évident. وسنة رسول رب العالمين. Et la sunna du prophète de Mohammed. قال جل وعلا. الله جل وعلا ذاتي سواتي أدي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se le doit, faites preuve de piété envers Allah comme il se le doit, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et rattachez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا لي entre vos cœurs, il a réuni entre vos cœurs, et vous êtes devenus de par sa grâce des frères. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Et vous étiez proche d'un trou de l'enfer, puis il vous en a sauvé. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Voilà comment Allah vous démontre ses versets et ses signes pour que vous soyez guidés. يأمرنا الله بالاعتصام بحبله المتين. Allah nous ordonne de t'attacher fermement à son câble solide. قال ابن عباس حبل الله الإسلام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما dit le câble d'Allah c'est l'islam. وفي رواية أخرى قال القرآن. Et dans une autre version il dit c'est le Coran. وإذا ذكر القرآن دخلت معه السنة. Et lorsqu'on cite le Coran entre dedans la Sunna. وقد أمرنا الله بالاعتصام وحذرنا مما يضاده وهو التفرق. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne le rassemblement, la réunion, l'union, et il nous interdit son contraire qui est la division et la scission. Car on ne peut s'unir ou unir notre parole si ce n'est sur le câble d'Allah. Et on ne peut avoir de gain, ni de réussite, ni de bonheur si ce n'est lorsqu'on va s'attacher au livre d'Allah et à la sunna de son prophète. Et la parole des musulmans ne peut être unie si ce n'est sur cela. Allah Azza wa Jal dit: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى كَفَا جُوفِ نَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Est-ce que celui qui a fondé sa fondation, qui a construit sa fondation sur une piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, est comme celui qui l'a fondé sur autre chose qui n'est pas solide et qui se retrouve au final dans le feu, dans le sens du verset. ثُمَّ يُذَكِّرُنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِنِعَمِهِ الْعَظِيمَةِ. Puis Allah nous rappelle ses grands bienfaits. والذي أعظمها أن هدانا للإسلام. Et la plus grande, le plus grand de ces bienfaits, c'est qu'il nous a guidés à l'islam. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Donc louange à Allah qui nous a guidés vers cela. Et si ce n'était Allah, on n'aurait pas été guidés. فإنا كنا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. Car nous étions dans une époque pré-islamique, dans une époque de l'ignorance et dans un égarement évident. وكان الناس أعداء يحارب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. Et les gens étaient les ennemis les uns des autres et ils se combattaient pour se tuer entre eux. فامتن الله عليهم بنعمة الإسلام. Et Allah leur a fait don et leur a donné ce grand bienfait qui est l'islam. ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Par l'envoi de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله a fait don, a donné un grand bienfait à la communauté en leur envoyant un homme parmi eux qui vient à les purifier, à leur enseigner le livre et la sagesse, même s'ils étaient auparavant dans un égarement évident. فبعثته نعمة مهداة. Donc l'envoi du prophète صلى الله عليه وسلم, sa prophétie, est un grand bienfait qui est un cadeau. ورحمة مهداة. Et c'est une miséricorde qui nous est donnée. أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. Par lui, Allah nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. وجمعنا الله به بعد الفرقة. Et Allah nous a réunis après avoir été dans la désunion. وألف بين قلوبنا بعد التفرق. Et Allah a réuni entre nos cœurs après la séparation. وجمع شتاتنا بعد التمزق. Et Allah nous a réunis après avoir été dispersés. وما هذا جمع مبارك في هذا المسجد الطيب. Et l'union et la réunion de ses frères dans cette mosquée bonne. في هذا البلد غير المسلم. Dans ce pays qui n'est pas musulman. إلا ثمرة عظيمة من ثمار الإسلام. Ce n'est qu'un fruit parmi les grands fruits de l'islam. ومن ثمار الاعتصام بحبل الله المتين. Et parmi les fruits de l'attachement à la porte d'Allah, la plus solide. فعلينا أن نحرص على ذلك. Donc on se doit de bien préserver cela. وأن نعض عليه بالنواجذ. Et d'en prendre la pleine dent. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المستجد الله صلى الله عليه وسلم dit: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسبق لكم ثلاثا. الله يرضى لكم ثلاث شهود يدتسكم ثلاث شهود. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Il aime pour vous que vous l'adoriez sans rien lui associer. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et que vous rattachiez fermement à sa corde la plus solide sans vous diviser. وأن تنصحوا من ولاه الله أمركم. Et que vous conseillez ceux qui ont la gouvernance parmi vous. ويسخط لكم فإذا جت فوق قيل وقال أنت الذي أنت الذي وكثرة السؤال جت فوق السؤال وإضاعة المال de perdre des richesses ou de les dépenser dans le mal ou dans la futilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je vais sans vous deux choses, vous ne vous égarerez jamais sans que vous y attachiez le livre d'Allah et la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن أصدق الحديث كتاب الله. La plus véridique parole c'est le livre d'Allah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et la meilleure guidée c'est la guidée de Muhammad صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها. Et les pires des choses sont les nouveautés en religion. وكل محدثة بدعة. Et toute nouveauté en religion est une innovation. وكل بدعة ضلالة. Et toute innovation est un égarement. وكل ضلالة في النار. Et tout égarement mène au feu. ويقول صلى الله عليه وسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit عليكم بسنتي. Attachez-vous à ma sunna. سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Attachez-vous-y et mordez-la plein dent. أيها الإخوة في الله. Mes frères en Allah. إن طريق النجاة. Le chemin qui mène à la survie. هو الاعتصام بحبل الله. C'est l'attachement ferme à la parole d'Allah. والسير على صراطه المستقيم. Et d'avancer dans son chemin droit. صراط الذين أنعم الله عليهم. Le chemin de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Parmi les prophètes, les martyrs, les bénédicts et les vertueux. جعلني الله وإياكم منهم. Qu'Allah fasse que vous et vous soyez son parmi eux. بعيدا عن طريق المغضوب عليهم والضالين. Loin du chemin de ceux qui ont couru la colère d'Allah ou des égarés. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم dit. في بيان أهمية الاعتصام بالسنة. En clarifiant et en démontrant l'importance de l'attachement au livre de la Sunna. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Attachez-vous à la Sunna et à celle duquel il vient d'idée qui vient d'après. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Libérez-la et mordez-la plein dents. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه من كان متنسيا فليتنسى باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يريد suivre qui suivent les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم فإنهم عن بصيرة كفوا car c'est une clairvoyance qui se sont tus وعن علم وقفوا et c'est une science qui se sont arrêtés وإنهم أبر هذه الأمة قلوبا et qu'ils ont les cœurs les plus وأعمقها علما et qui ont la meilleure des sciences وأقلها تكلفا et ce sont ceux qui وأقلها تكلفا أي يمتازون بالطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط se contenter du juste milieu sans trop aller dans l'excès sans aller dans les excès ويقول علي ويقول ابن مسعود أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه dit aussi اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم vivez et innovez pas car il a été suffi يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله عمر بن عبد العزيز بن الكبير رحمه الله dit سن رسول الله صلى الله عليه وسلم le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a institué des traditions وولاة الأمر من بعده ainsi que ceux des gouvernants après lui سننا الأخذ بها تصديق تصديق لكتاب الله. Les traditions, de prendre ces traditions et une confirmation du livre d'Allah. واستكمال لطاعة الله. Et c'est un complément de l'obéissance d'Allah. وقوة على دين الله. Et c'est une force dans la religion d'Allah. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها. Personne n'est en droit de venir la changer. ولا النظر في شيء خالفها. Ou d'aller regarder dans des choses qui le contredisent. من اهتدى بها فهو مهتدي. Celui qui se guide par cela sera le guidé. ومن استنصر بها فهو منصور. Celui qui cherche secours là-dedans sera secouru. ومن خالفها. Et celui qui la contredit. واتبع غير سبيل المؤمنين. Et qui suit un autre voie que celle des croyants. ولاه الله ما تولى. Allah le fera détourner comme il s'est détourné. وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. Et il le jettera dans la géhenne et quelle mauvaise demeure. إن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الذي تكون به سعادة العبد في الدنيا والآخرة. C'est la voie qui mène au bonheur de la personne dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est le seul chemin. C'est le seul chemin qui mène au bonheur éternel dans les deux demeures. Et c'est le seul chemin qui permet d'être le successeur de l'homme sur cette terre. Et c'est le seul chemin qui mène à la supériorité. Et c'est le chemin de l'unicité qui amène à la sûreté. Allah Azza wa Jal dit: Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont accompli des bonnes œuvres qu'il leur donnera succession comme il l'a donné à ceux d'avant eux. Et il donnera prépondérance et supériorité à leur religion qu'il leur a appelée. Et en échange de la peur qu'ils avaient, il leur donnera la sûreté. Ils se doivent de m'adorer sans rien m'associer. Et Allah, le Très-Haut, dit: celui qui fait une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, alors qu'il est croyant, nous lui donnerons une vie bonne. Et on lui donnera la récompense de la rétribution selon ce qu'ils ont accompli. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez favorablement à Allah et à son messager lorsqu'il vous invite à ce qui donne véritablement vie. هذا غيظ من فيض من النصوص الكثيرة التي تحث على الاعتصام بالكتاب والسنة. Ça c'est peu parmi beaucoup de textes qui encouragent et qui insistent pour l'attachement au livre et à la sunna. ومن ذلك قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. Et parmi ces textes, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: et voilà mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le. Et ne suivez pas les autres chemins car ils vous égareront de son chemin. Voilà ce qu'il vous enjoint afin que vous soyez pieux. Et Allah le Très-Haut dit: si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Et Allah le Très-Haut dit: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui avez obéi à Allah, obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui ont le commandement parmi vous. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Et si vous divergez dans quoi que ce soit, alors retournez-le à Allah et à son messager. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si vraiment vous croyez en Allah le jour dernier. ذلك خير وأحسن تأويلا. Voilà ce qui est meilleur et la meilleure interprétation. ويقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. Mais le Très-Haut dit: et il n'y a pas une question sur laquelle vous divergez, si le jugement il est auprès d'Allah. ويقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حاجه ثم لا يجدوا في صدورهم في انفسهم حاجه حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا الله في منصات الجبرتي. Et non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent juge sur leurs différends et qu'ils ne trouvent aucune rancœur, aucune gêne à ton jugement et qu'ils s'y soumettent complètement. Et Allah dit: et il n'est pas permis à un croyant ni à une croyante. Lorsque Allah et son message ont décidé d'une chose, qu'ils décident d'eux-mêmes. ويقول تبارك وتعالى: يا الله القوي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. La parole des croyants lorsqu'ils sont invités à Allah et à son messager. ليحكم بينهم. Pour qu'ils jugent entre eux. أن يقولوا سمعنا وأطعنا. C'est de dire: nous avons entendu et nous obéissons. إخوتي وأحبتي في الله. Mes frères et mes bien-aimés en Allah. سمعنا هذه النصوص الكثيرة. Nous avons entendu tous ces textes. فما موقفنا منها. Quelle est notre position vis-à-vis de ces textes? هل تمسكنا بها؟ Est-ce que nous sommes attachés à ces textes? هل اهتدينا بها؟ Est-ce que nous avons été guidés par ces textes? هل طبقناها في أنفسنا؟ Est-ce qu'on a pratiqué, mis en pratique ces textes en nous-mêmes? هل طبقناها في أهلنا؟ Est-ce qu'on a pratiqué dans sur nos familles? هل طبقناها في مجتمعنا؟ Est-ce qu'on a pratiqué dans notre société? هل دعونا إليها الناس والبشرية جمعاء؟ Est-ce qu'on a invité les gens et toute l'humanité à cela? هل بدأ كل واحد منا بنفسه فأصلح نفسه ثم من يموت ثم من يعود ثم الأقرب فالأقرب؟ Est-ce que l'un d'entre nous a appliqué cela sur sa propre personne, puis l'a appliqué au plus proche parmi les gens? إنما يجري للمسلمين ce qui arrive aux musulmans من مصائب ومحن comme catastrophe et comme malheur وتفرق وفتن et comme trouble, discorde et division وكوارث عظيمة et beaucoup de grandes catastrophes وعدم وحدة للكلمة et qu'il n'y ait pas d'unité dans la parole إنما مرده إلى عدم الاحتفاظ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم tout ceci est dû du fait qu'on n'est pas rattaché au livre d'Allah et à la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام فإذا أرادوا أن يعود إليه مجدهم s'ils veulent que leur grandeur et leur puissance leur reviennent وأن يهابهم عدوهم et que leur ennemi les craigne وأن تسودهم أن يسودهم الأمن والمحبة et que la sûreté et l'amour وأن يكونوا سعداء في الدنيا والآخرة et qu'ils soient bienheureux dans ce monde et dans l'au-delà وأن يسلموا من الفتن والمحن et qu'ils soient épargnés des épreuves والفواحش ما ظهر منها وما بطن et des turpitudes cachées et apparentes فعليكم العودة إلى دين الله الحق et ils se doivent de retourner à la religion d'Allah véritable والاعتصام بحبل الله المتين et qu'ils se doivent de se rattacher fermement à la force d'Allah وعليهم الرجوع إلى الله et ils se doivent de retourner à Allah فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل car retourner à la vérité est bien meilleur que de persister dans le faux وعليهم أن يبدأوا أن يعنوا بتحقيق التوحيد et ils se doivent de mettre en application en premier lieu l'unicité d'Allah. وهذا هو أساس الاعتصام. Et voilà le fondement même de l'attachement. تحقيق التوحيد وتخليصه من شواذ الشرك والبدع والمعاصي هو أساس الاعتصام بالكتاب والسنة. C'est la concrétisation du monothéisme de l'unicité d'Allah et de le dénuer de tout ce qui viendrait l'entacher comme association, polythéisme, innovation et péché. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. Donc je me recommande à moi ainsi qu'à vous-même la crainte et la piété d'Allah. والجد والاجتهاد في الاعتصام بالكتاب والسنة. Et d'avoir une volonté ferme pour l'attachement au livre d'Allah et à la sunna de son prophète. في أقوالنا وأفعالنا. Dans nos paroles et nos actes. وغدونا وأرواحنا. Dans nos matinées et nos après-midi. وحركاتنا وسكناتنا. Quand on est en mouvement ou lorsqu'on est immobile. وأن نعض على ذلك إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. Et qu'on mange de cela à pleines dents jusqu'à qu'on rejoigne et qu'on rencontre notre Seigneur. إذا أردنا السلامة والنجاة والسعادة في الدارين. Si on veut vraiment la sûreté, on veut la sécurité, si on veut le bonheur dans les deux demeures. وإن من أعظم ما يؤثر على الاعتصام et parmi les choses qui viennent à renforcer l'attachement أمران خطيران deux choses qui sont dangereuses في غاية الخطورة très dangereuses قد تضعفان الاعتصام وقد تفسدان ces deux choses peuvent renforcer l'attachement mais peuvent aussi l'affaiblir إحداهما الشهوات l'une d'entre elles c'est les tentations والأخرى الشبهات et l'autre c'est les ambiguïtés je voulais dire plutôt qu'ils peuvent l'annuler ou l'affaiblir وأدعو أخي وفقه الله لي أيها الإخوة في الله لقد أصر أخي أن أكمل الموضوع فكنت أريد أن أشارك فجزاه الله خيرا وهذا من إيثاره وإلا هو سيثري الموضوع جزاه الله خيرا لا بد له من تحريك بعد ذلك الشيخ صالح يقول لك الشيخ محمد رمضان في التويت الشيخ محمد رمضان أتمنى أن الشيخ كونتينيو الشيخ أجل أن يقول لك quoi qu'il en soit je crois que الشيخ محمد رمضان passe une invitation après avoir terminé إخوتي وأحبتي بالله مع الشهوات les tentations, les désirs, هي ما تميل إليها النفوس الأمارة بالسوء. C'est ce qui attire les âmes, l'âme qui pousse au mal. تدخل فيها شهوات النفس. Entre dedans, donc les tentations de l'âme. شهوات الأذن. La tentation de l'oreille. شهوات الأنف. Les tentations du nez. شهوات العين. Les tentations de l'œil. شهوات البطن. Les tentations du ventre. شهوات الفرج. Les tentations du sexe. بكل ما تحمله كلمة الشهوة من معنى. Dans tout ce que pourrait avoir comme sens le terme tentation et désir. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. Il est authentifié que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. حفت الجنة بالمكاره. Que le paradis a été entouré par ce qui est par ce qui est difficile et qui est contraint. وحفت النار بالشهوات. Et le feu a été contourné par les tentations et les désirs. والشهوات هي التي يميل إليها الشيطان. Et les tentations c'est vers là que pousse le Satan. الذي يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. Celui qui appelle son parti pour qu'il soit au final parmi les habitants du feu de l'enfer. فنعوذ بالله من الشيطان ومن همزاته. Donc nous demandons à Allah de nous protéger contre le Shaitan et ses suggestions. ومن نفس الأمارة بالسوء. Et aussi contre l'âme qui pousse vers le mal. والإنسان يعني يعترض في قلبه أمران. Et il y a deux choses qui trottent dans le cœur de la personne. يعيش صراعا بينهما. Il vit dans un combat entre ces deux choses. إما اتباع النفس والشيطان وشهواتها. Soit le suivi de Shaitan, de l'âme et de ses désirs. وإلا اتباع الحق وما يهدي إليه من صراط الله المستقيم. Ou alors suivre la vérité et le chemin d'Allah droit. فإذا تفقه الإنسان في دين الله. Donc si la personne vient apprendre et à comprendre sa religion. واعتصم بحبل الله. Et qui s'attache fermement à la corde d'Allah. وطبق دينه قولا وعملا واعتقادا. Et qu'il applique convenablement sa religion dans les paroles, les actes, les mots et les croyances. استطاع أن يتغلب على هذه الشهوات. Il pourra à ce moment-là combattre et avoir le dessus. يلزمها بالخوف من الله والاستعداد للقاء الله والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى والتغلب على الهوى الذي هو أساس الشهوات qui est la base même des tentations. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. Car ils ne font que suivre. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Ils ne font que suivre ce que veut la passion et ce que les âmes aiment. Alors qu'il leur est parvenu de la part de leur Seigneur la guider. فاتباع الهوى في غاية الخطورة. Donc de suivre sa passion est un grand danger. هو الذي يوقع في الشهوات. C'est ce qui est tombé dans les tentations et les désirs. وفي الغرائز المحرمة. Et dans les désirs imperdibles. ويمكن أن نلخص أسباب الوقوع في الشهوات في بعض العناصر. Et on pourrait résumer qui fait tomber dans les tentations en certains points. واحد. Premièrement. ضعف تقوى الله عز وجل. La faiblesse de la piété et de la crainte d'Allah. والبعد عن الله. Et l'éloignement d'Allah. والاستسلام للشمس للنفس. والاستسلام للنفس. Et la soumission et l'abaissement face à l'âme. وحبائل الشيطان. Ainsi qu'au corps de Satan. Deuxièmement, ضعف العبادة. La faiblesse dans l'adoration. بقدر ما تضعف العبادة بقدر ما تقبل النفس على الشهوات. Plus l'adoration est faible et plus il y a l'envie de tomber dans les tentations et les désirs. يعني ضعف العلاقة بالله عز وجل. La faiblesse de la relation avec Allah عز وجل. لأن المؤمن car le croyant إذا راودته نفسه على الشهوات lorsque son âme veut le pousser à tomber dans les tentations تذكر أن له ربا يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور il se rappelle qu'il a un Seigneur qui attire rien ne lui échappe وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء rien ne lui échappe ni dans les cieux ni dans la terre فإذا تذكر عاد إلى الله تبارك وتعالى lorsqu'il se rappelle cela il revient à Allah وضعفت الشهوات عنده Et les tentations et les désirs viennent affaiblir. قال الله عز وجل. الله عز وجل dit: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من تذكروا فإذا هم مخبرون. Qui ont fait preuve de piété, lorsque viennent les suggestions sataniques à eux, ils se rappellent d'Allah et les voilà qui sont clairvoyants. Et parmi les causes qui mènent, qui font tomber dans les tentations au serviteur d'Allah, la mixité, le mélange entre les hommes et les femmes, et que les femmes ne soient dévoilées, ne soient pas voilées, les femmes qui marchent, qui démarchent, qui attirent les hommes et qui ont les cheveux en l'air. Ce sont des femmes qui viennent à éprouver le vivant. Et qui font du mal aussi aux morts par leurs agissements. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت على أمتي فتنة أكثر من فتنة النساء. على أمتي فتنة أكثر من فتنة النساء. Un trouble plus fort pour ma communauté que celui des femmes. فعلى المرأة المؤمنة أن تتقي الله. Donc la femme musulmane se doit de craindre Allah. وأن لا تكون فتنة للآخر للرجال. Qu'elle ne soit pas un trouble ou un moyen de trouble pour les hommes. وعلى الرجال أن يبتعدوا عن مواطن الفتنة. Et les hommes se doivent de s'éloigner des lieux de troubles et de fitna. Les hommes qui viennent à regarder les femmes, c'est comme les chiens qui viennent à tourner autour de viande. Si ces viandes ne sont pas préservées par leur lésion, elles viendront à être mangées, ces viandes. الأمر الرابع مجالسة أهل الفساد والضلال. Quatrième cause, le fait d'être en compagnie de s'asseoir avec les gens de la corruption et du mal. يقول الله رسول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Le message d'Allah صلى الله عليه وسلم dit: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. L'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon. كحامل المسك ونازخ الكير. Et comme le vendeur de parfums et le forgeron. فحامل المسك إما أن تبتاع منه. Le vendeur de parfums, c'est toi qui achètes le parfum auprès de lui. وإما أن يخبيك يعني يعطيك. Il se peut aussi qu'il te parfume. وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Sinon, au minimum, tu trouveras auprès de lui une bonne odeur. ونازخ الكير إما أن يحرق ثيابك. Et le forgeron, il se peut qu'il brûle tes vêtements. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. Sinon, tu trouveras au minimum une odeur mauvaise auprès de lui. وقد قال الله عز وجل. Et Allah عز وجل a dit. ويوم يعض الظالم على يديه. Et le jour où l'homme injuste mort. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Il dira malheureusement, pourquoi n'ai-je pas pris un chemin avec le messager. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. Malheureusement, pourquoi ai-je pris un tel comme ami. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Il m'a certes égaré du rappel. وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le diable est un traître pour l'être humain. الأمر الخامس. La cinquième point. قلة العلم وكثرة الجهل. Le peu de science et le trop d'ignorance. فإن العلم الشرعي الذي يطبقه صاحبه. Donc la science religieuse qui est appliquée par la personne. يكون حصنا حصينا له من الشهوات والشبهات. Est une citadelle, une forteresse pour la personne qui le protégera contre les tentations et les désirs. الأمر السادس قسوة القلب. Le sixième point, la dureté des cœurs. وقد حذر الله من قسوة القلب. Et Allah سبحانه وتعالى nous met en garde. والتسبب فيها. Et ce qui mène à cela. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Mais n'est-il pas arrivé le temps, le moment pour les gens que leur cœur s'attend vite. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. Et qu'ils ne soient pas comme ceux à qui on a donné le livre avant eux. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Ils se sont enlacés par le fait qu'il y ait beaucoup de temps qui soit passé et leurs cœurs sont devenus durs. فعلينا أن نحذر من ذلك. وأن نتنبه إلى هذه الخطورة. من الأسباب أيضا الغفلة عن ذكر الله. Parmi les causes, il y a aussi une insouciance, des insouciants vis-à-vis الدافين نغفل الله فإن ذكر الله تبارك وتعالى يصل الحطيم نغفل الله جدادات فورتيفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد pour celui qui a un cœur ou qui prête oreille الأمر السابع تذكر الجنة والنار والثواب والعقاب والعتاب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى Septième point, se rappeler du paradis et de l'enfer, se rappeler des récompenses et du châtiment. De se rappeler de la tombe, de ses délices et de ses supplices. De se rappeler de la balance. De se rappeler des registres et des livres qui seront donnés le jour du mois dernier. De se rappeler de. Le jour du rassemblement dernier de se rappeler qu'on passera devant sur le sirat tout cela aidera la personne à s'éloigner des désirs et tentations parmi les codicils le fait que les ennemis de l'islam contre les musulmans. Et le fait que beaucoup d'entre nous les suivent et les prennent comme exemple, ils les suivent d'un suivi aveugle. Et le prophète sallam a dit celui qui vient à ressembler à un peuple, il en fait partie. Donc prêtez attention à ce que Allah nous fasse miséricorde à nous ainsi qu'à vous. Et rappelez-vous le danger de cela et sachez que la puissance et la grandeur, elle est dans l'islam. Et dans l'obéissance à Allah et des Suatim. Sachez au nom de la sœur musulmane que ta puissance et ta grandeur est dans l'islam. Et qu'elle est dans que tu te caches derrière ton hijab et dans ta pudeur. Dans ta pudeur et dans ton jilbab. Et dans ta raison et dans ta foi. Et dans ta prière, ton jeûne et ton obéissance à ton mari. Et écoute cette bonne nouvelle, cette bonne belle annonce. Donné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la femme vient accomplir ses cinq prières et qu'elle jeûne son mois et qu'elle a obéi à son mari et qu'elle a préservé sa chasteté, elle entrera par la porte qu'elle veut parmi les huit portes du paradis. ألا تريدين الجنة يا أمة الله؟ ألا تريدين النجاة من النار؟ ألا تريدين الجنة الفردوس؟ ألا تريدين النجاة من عذاب الله؟ إياك أن تغتر بالتقليد والتشبه. إياك أن تغتر بالموضة. والتبعية لأعداء الله اجتهدي فيما يقربك إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك ننتقل إلى العنصر الأخير وهو الشبهات On va parler du deuxième point qui est, après les tentations et désirs, qui est les ambiguïtés. الشهوات ينطلق منها المرء من منطلق دنيوي. Les tentations, c'est un déplacement ou un changement chez la personne et d'un point de vue de ce bas-monde, mondain. فالحامل عليها هو الغرائز الدنيوية وميل النفس الأمارة بالسوء. Ce qui pousse à cela, ce sont les envies mondaines et le suivi de l'âme qui pousse vers le mal. لكن الأخطر منها والأعظم Mais pire que cela et bien plus grand, ce sont les ambiguïtés. Pourquoi ? Car les ambiguïtés sont posées d'un point de vue religieux. Et donc les adeptes de cela se croient être et prétendre être dans la religion d'Allah. وهم على الباطل. Alors qu'ils sont dans le faux. إذا الشبهات إظهار الباطل بصورة الحق. Donc les ambiguïtés, c'est faire apparaître le faux comme étant la vérité. تطرح بعض الأعمال. Certains actes sont présentés. وتلبس لباسا دينيا. Et on lui met un habit religieux. فيظن العامة أنها من دين الله عز وجل. Et donc la masse des gens pense que ça fait partie de la religion d'Allah. يبتدع شخص بدعة. Une personne vient à innover une innovation. قد تكون بس صغيرة في بداية الأمر. Au début, il se peut qu'elle soit petite. فيتساهل الناس بها. Et les gens, ils la prennent à la légère. وتتطور شيئا فشيئا إلى أن تصبح كبيرة. Elle vient se développer cette innovation jusqu'à être grande. ويتعلقون بها أكثر من تعلقهم بالسنة. Et ils viendront les gens à s'attacher à cela plus que l'attachement qu'ils ont pour la sunna. لأن هناك منظرين وأشخاصا يدافعون عنها ويطرحونها على أنه دين يتقرب به إلى الله. Car il y a des personnes qui viennent à présenter ces innovations et à les défendre devant les gens pour leur dire que cela c'est la religion d'Allah. Et de là donc c'est bien plus grave et bien plus dangereux que les tentations et les désirs. Les adeptes des tentations et des désirs peuvent s'enfantir. Combien d'entre eux, Allah leur octroie le repentir. Surtout pas lorsqu'on leur parle en leur faisant aimer le bien et détester le mal. وتذكر الثواب والعقاب. Et lorsqu'on leur rappelle les rétributions. والجنة والنار. Le paradis et l'enfer. يعود كثير من الناس إلى الله عز وجل. Avec cela, beaucoup de gens reviennent à Allah عز وجل. أما أهل الشبهات والبدع. Mais les gens des ambiguïtés, les adeptes des ambiguïtés de l'innovation. قل أن يتوبوا منها أو يرجعوا عنها. Il est très peu que ces gens-là viennent à se repentir et à revenir. لأنهم يفعلونها وهم يظنون أنها دين يقربهم إلى الله. Car ils affirment cela en pensant que cela les rapproche d'Allah et que cela fait partie de la religion d'Allah. قال الله عز وجل. Allah عز وجل dit. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Voulez-vous que vous dites qui sont ceux qui se sont perdus dans leurs œuvres. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. Ceux qui se sont perdus dans leurs œuvres dans ce bas monde. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Alors qu'ils pensent bien agir. يقول الناظم في هذا المعنى الناظم le poète dit pour cela يقطع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. Personne est éprouvée par les ambiguïtés des innovations et vient les accomplir en pensant qu'il fait qu'il agit en bien. Donc les compréhensions, elles sont complètement changées chez les adeptes de l'innovation et des ambiguïtés. Donc tu verras chez lui qu'il voit la sunna comme une bid'ah. Et la bid'a comme une sunna. ويرى الخير شرا والشر خيرا. Et il voit le bien en mal et le mal en bien. ويدافع عن البدع في أكثر من دفاع عن السنة. Et il viendra à défendre la innovation plus que la sunna. يظن أن ذلك دين يقربه إلى الله. Il croit que cela est une religion qui le rapproche d'Allah. قال الإمام مالك في هذا المعنى. الإمام مالك رحمه الله dit dans ce sens. من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة. Celui qui vient à faire une innovation en pensant qu'elle est bonne, فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. Celui-là aura prétendu que Mohammed صلى الله عليه وسلم a trahi le message. لأن الله تعالى يقول. Car Allah le prédit. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. ويقول أيضا عن الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يوسي رحمه الله. وقد جاءه رجل يسأله من أين يحرم. Alors qu'un homme lui le questionnait d'où il doit se mettre en état de castration. فقال أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك lui a dit tu dois te mettre en état de castration في ذو الحليفة لا أستحب لساجد الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل لكن يريد أن يحرم من هنا من جوار القبر. الهم قال لي moi je voudrais me mettre en état de sacralisation depuis cet endroit à côté de la tombe. فقال مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. الإمام مالك قال لي ne fais pas car je crains pour toi le trouble. قال وأية فتنة في أميال أزيد بها تقرب بها إلى ربي. Cet homme a dit mais quel est où le trouble? Ce n'est qu'une distance que je rajoute pour plus me rapprocher d'Allah. قال ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الإمام مالك قال لي ne te suffit-il pas ce qui a suffi au message d'Allah ainsi que ses compagnons. إني أخشى عليك الفتنة وقد قال الله تعالى. Je crains pour toi la fitna et Allah a dit. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. Je crains de ceux qui vont à l'encontre de son ordre. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Qu'un trouble les touche ou un châtiment douloureux. انظروا رحمنا الله وإياكم إلى فتنة الخوارج. Regardez qu'Allah nous fasse mes efforts à nous ainsi qu'à vous. كيف ارتحلوا دماء المسلمين وأموالهم. Le trouble et la fitna des Kharijites. Quand ils sont arrivés à autoriser le sang des musulmans, ils ont permis la tuerie des compagnons. Et ils voient que tuer les compagnons, ceci les rapproche d'Allah. Un des tueurs, des assassins de Othman, après qu'il est tombé martyr. يصعد على جمجمته قاتله الله. Et il monte sur le corps de Othman pendant le combat. فيقول. Et il dit. والله ما رأيت يوم من أيام الله ولا في هذا في سبيل الله أعظم من هذا اليوم. Je n'ai jamais vu un jour comme celui-là, même dans le combat dans le sens d'Allah, comme ce jour-là où ils ont tué Othman رضي الله عنه. انظر كيف زين له الشيطان. هذه الفعلة الشنيعة. حتى اعتبرها جهادا في سبيل الله. وقاتل علي رضي الله عنه. يقول انه سمم هذه الحرب وفيها تسعة رؤوس. سمم الحرب التي قتله بها ولها تسعة رؤوس. وضع السم فيها. Le poignard avec lequel il a tué Ali, il l'a empoisonné. Il a mis du poison dedans. Pendant un mois, il est en train d'empoisonner ce poignard. Ce pauvre fils dit, amma thalath khirab fa lillahi wa li rasul. Amma thalath rous. وأما ستة فلبغضه لعلي رضي الله عنه. الذي ثلاث empoisonné pour Allah. Et les autres pour son détestement pour Ali. انظر إلى أدعياء الجهاد الذين يقتلون المسلمين ويقتلونهم ويفجرون في بلاد المسلمين. Regardez les prétendants au jihad qui viennent à tuer les musulmans dans les pays musulmans en accomplissant des attentats. ويسمون ذلك جهادا في سبيل الله. Et ils disent que cela est un combat dans le sens d'Allah. وهو جهاد في سبيل الشيطان. لم يخدموا إلا أعداء الإسلام. وتسببوا في تفريق كلمة كثير من المسلمين. وخربوا في بلاد كثير من المسلمين. ويرون أن هذا يقربهم إلى الله. انظر إلى الذين يصيحون في الميادين. ويتظاهرون ويسدون الطرقات. ويعطلون مصالح المسلمين. ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله. وهم يفسدون في الأرض. ماذا كان الإفساد في الأرض صلاحا للمسلمين؟ De Depuis quand la corruption sur terre et le mal sur terre est un moyen de raison pour les musulmans? وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الأفكار مثل هذه الأفكار الشيطانية التي استقوها من الماسونية العالمية وزعموا أنها من أعمال الجهاد في سبيل الله وهم لا للإسلام نصروا ولا لأعداء الإسلام كسروا بل أضعفوا قوة المسلمين وجعلوه لقمة سائغة لأعداء الله وهكذا كانوا أهل الشبهات الذين يفعلون البدع ويظنون أنها تقربهم إلى الله ومن أسباب الوقوع فيها ما يلي واحد الجهل فإن الجهل قد يجعل صاحبه إمعة يتبع كل ناجح ويجري خلف كل طائع L'ignorance fait que la personne devient quelqu'un de facile qui suit n'importe la première personne qui vient, la première qui vient à qui. Regardez le récit de l'homme qui a tué 99 vies. Il est venu demander de repentir. Et donc il a questionné un adorateur. فقال يريد التوبة قال لا أجد لك توبة. Il a dit est-ce que je peux me repentir? Cet adorateur lui a dit je ne trouve pas de repentir pour toi. وقتله وكمل به 100. Alors cet homme il a tué et il a terminé avec 100. إلى آخر الحديث طويل المعروف. ما الذي قتل هذا الرجل؟ قتله جهل. Qu'est-ce qui a tué cet homme le centième? C'est une ignorance dans sa réponse. ثانيا التعصب. Deuxièmement l'attachement aveugle. من أسباب الوقوع في الشبهات التعصب le suivi et l'attachement aveugle سواء كان تعصبا طرقيا طائفيا que ce soit un attachement un suivi pour une voie ou un chemin précis أو تعصبا قبليا ou pour une tribu dans un mauvais sens أو حتى تعصبا مذهبيا فقهيا ou alors pour une école de juridique ثالثا اتباع الهوى troisièmement le suivi de la passion فإن أكثر الذين يقعون في البدع يتبعون أهواءهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ثالثا رابعا التقليد الأعمى فالبعض من الناس يتبعون كل يثقون في أناس لا يعرفون من الدين إلا اسمع. Ils suivent des gens et ils prennent comme exemple des gens qui ne connaissent de l'islam que son nom. ولا من العلم إلا اسمع. Ils ne connaissent la science que ses intitulés. خامسا الأئمة المضلين. Cinquièmement les imams ou les élites qui viennent égarer. الذين يوقعون أتباعهم في الشبهات. Ceux qui font tomber leurs adeptes et leurs suiveurs dans les ambiguïtés. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد الله صلى الله عليه وسلم أديت إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين Ce que j'ai le plus peur pour ma communauté ce sont les imams les élites et d'erreurs ثالثا تأييد النحل والأحزاب الباطلة Sixièmement le fait d'aider de venir secourir les sectes et les tendances égarées فكثير من الناس بسبب تأييدهم لبعض الحزبيات certaines personnes du fait qu'ils viennent à secourir à aider certaines sectes يضحي في سبيل مبادئ ذلك الحزب il vient même à se sacrifier pour les fondements ou les principes de cette secte de ce parti ولو كلفه ذلك حياته même si cela l'amène à mourir dans ce chemin والعياذ بالله et qu'Allah nous préserve de cela تابعا تتلمون الاعتماد على العقل المجرد le fait de se contenter de la raison à elle seule وتعديم وتقديم العقل على النصوص الشرعية et faire passer la raison sur les textes religieux فإن الاعتماد على العقل من أول من أعظم ما يوقع في الشبهات donc le fait de se contenter de s'en remettre à la raison à elle seule c'est parmi les plus grandes causes فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. donc avec quelle raison on pourrait juger ou mettre venir à juger le livre de la Sunna؟ أيها الأخوة في الله. oh vous mes frères en Allah. إن الحديث عن الشهوات والشبهات يطول. de parler sur ces deux thèmes. les tentations et les ambiguïtés on peut en rester longtemps dedans. والعصمة منها ألخص ما يلي. منهما ألخص ما يلي. أولا العلم والتعلم والتفقه في دين الله. premièrement l'apprentissage de la religion et de la science religieuse. فإن العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة qui découle du livre de la Sunna يجعل صاحبه يعبد الله على بصيرة. son adepte adore Allah sur une clairvoyance. فيبتعد عن الشهوات والشبهات. et donc il sera loin des tentations et des ambiguïtés. ثانيا تقوى الله تبارك وتعالى. deuxièmement la crainte et la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. en accomplissant ses obligations en s'éloignant de ses interdits. ثالثا البعد عن مواطن أهل الشبهات وأهل الشهوات. troisièmement le fait de s'éloigner des lieux des adeptes des ambiguïtés et des tentations. ومجالسة أهل الحق الخير والتقى. et de s'asseoir et de prendre comme compagnon les gens du bien et de la piété. من الداعين إلى اتباع منهج السلف الصالح. ceux qui appellent au suivi de la voie des pieux prédécesseurs. رابعا البعد عن مواطن الفتن. quatrièmement de s'éloigner des lieux où il y a les tentations et les désirs. والفرار منها. et de se sauver de ces lieux-là. خامسا الرجوع إلى العلماء الربانيين. cinquièmement de retourner aux savants éducateurs. الذين ينفون عن كتاب الله تعالى. ceux qui épurent le livre d'Allah de toute altération. تحريف الغالين. de l'altération de ceux qui vont dans l'excès. وانتحال المبطلين. انتحال يعني أباطيلهم ما يصير. et tout ce qui est faux de ceux qui l'éternel se faux. وتحريف وتأويل الجاهلين. et de l'interprétation des ignorants. العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. les savants éducateurs qui jugent avec vérité et qui sont sur cette vérité. ثالثا وهو أولا العناية بتحقيق التوحيد. deuxièmement et un petit point dans celui-là c'est de donner de l'importance à l'unicité d'Allah. وتخليص من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. et de le dénuer de tout ce qui viendrait l'entacher comme polythéisme, innovation et péché. التمييز بين العلماء المحققين وبين علماء السوء. et de la distinction, de bien distinguer entre les vrais savants et les mauvais savants. إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم كما قال محمد بن سيرين رحمه الله. comme l'a dit Mohamed ibn Sirin رحمه الله, certes cette science est une religion, voyez-vous de qui vous prenez votre religion. أيها الإخوة في الله، وهم يسمعون الله، إن الحديث عن هذه الأمور يطول. donc on pourrait rester longtemps à parler. اسمحوا لي قد أطلت عليكم. excusez-moi si j'ai tardé. ولعل لأخي الشيخ محمد تعليقا يتمم المقام. et donc il se peut que le Cheikh Mohamed Ramzan vient terminer ce sujet. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى. je demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus élevés. وصفاته العلى وصفات ses attributs meilleurs أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح أن يوفقني la réussite à moi jusqu'à vous dans les bonnes actions وأن يرزقني وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه qu'il facilite d'être droit dans sa religion et accomplir ce qui lui plaît et agrée وأن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة في جنات النعيم et qu'il nous réunisse tous dans la demeure du bonheur qui est le paradis آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مقام نعم مرسي شيخ جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا على كل المشكل الأخوان حقوا صوتنا نأتيكم ولكننا متاهمين ولكن ذلك فسنظر فقط غلط ونمشي ولكن الحمد لله حصل اللقاء فشكرا لكم الحمد لله إليه شكرا لكم ما كان مرتبا كما قال لكم الشيخ لكن الحمد لله